l'amour et la violence, le destin de nos vies, notre sixième sens. Dis-moi ce que tu penses de nos vies. Dis-moi ce que tu penses de nos adolescents. Tu sais, moi j'aime aussi l'amour et la violence. Tu sais, moi j'aime aussi notre sixième sens. Dis-moi ce que tu penses de nos vies. Dis-moi ce que tu penses de nos adolescents. Tu sais, moi j'aime aussi l'amour et la violence, le destin de nos vies, notre sixième sens. Destin de nos vies, notre sixième sens.